pour les températures, là, ça reste, les modèles sont relativement variables, mais homogènes tout à fait, puisqu'on, quel que soit le modèle utilisé, quelle que soit la saison étudiée, on constate qu'il y a une hausse des températures prévues d'ici les années 40, 2040 à 2070, et cette hausse s'élèverait entre 1 à 2 degrés en moyenne, en plus de ce que l'on connaît actuel, sachant qu'on a déjà pris entre quasiment 1,5 degré sur les 50 dernières années. Donc pour les 50 prochaines années ou les 30 prochaines années, la température en Guyane va encore augmenter de 1 à 2 degrés. Sachant que quasiment tous les modèles donnent le même résultat, je pense qu'on peut avoir un intervalle de confiance assez important. Voilà. Quant aux pluviométries, donc les modèles mondiaux, je vais le faire très succinctement parce que je ne voudrais pas manger tout le temps réservé à mes petits camarades. C'est déjà fait, bon, je suis désolé. Donc, on constate que quel que soit le modèle utilisé, que ce soit le scénario le plus favorable ou le plus catastrophique, on a soit une augmentation significative de la pluviométrie au niveau de la Guyane, soit un assèchement, donc une incertitude totale à l'horizon 2040 et 2070. Donc, ce qu'il faut retenir, les pluies à l'observation, comme en prévision, grande hétérogénéité, année très pluvieuse, année plus sèche, il y aura de la variation. On n'en sait pas plus. Les températures, on va encore augmenter de 1 à 2 degrés dans les 30 prochaines années. Hein, et probablement jusqu'à 4 degrés d'ici 2100, entre 3 et 4 degrés d'ici 2100. Et donc, il reste à exploiter les nouveaux scénarios.